L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Dans le cadre des impromptus de Pichon, concert du Big Band Jazz Swing Orchestra le dimanche 16 février. Ce sera à 17h et ils sont nombreux autour de la table pour venir nous en parler. Nous avons François Brand, bonjour. Bonjour. Nous avons également Didier Hensler, bonjour. Bonjour. Qui est président donc du Jazz Swing Orchestra, et Vincent Houplon, bonjour. Bonjour. Qui est le chef d'orchestre de cette formation. Les impromptus de Pichon, c'est récent. Et vous pouvez nous expliquer un peu, François Brand, le concept de avec ce que plaisir, c'est. Avec plaisir. Donc, les impromptus de Pichon, c'est un nouveau concept local, on va dire. On fait du développement durable. Et on fait depuis un an et demi de la production de spectacles en partenariat avec les MJC Pichon, en essayant d'ouvrir au maximum l'éventail des programmations musicales. C'est-à-dire qu'on ne reste pas figé comme beaucoup de structures dans un seul mouvement musical, mais on essaye de programmer des choses les plus éclectiques possibles. On a fait une première année essentiellement sur les instruments naturels, beaucoup d'instruments frottés, des violons, des violoncelles, donc des ensembles à cordes. Et puis, on ouvre maintenant la programmation à des choses un peu plus punchy. Et donc, c'est avec grand plaisir qu'on va programmer ce concert en partenariat avec le Swing Orchestra. Voilà, donc le dimanche 16 février avec donc le Swing Orchestra représenté aujourd'hui donc par Didier Hensler qui est le président. Vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi l'histoire de ce Big Band? Disons que l'histoire du Big Band, il date des années 80, qui s'était créé à l'époque sur Villers. Après, on s'est installé sur Gerville. Donc là, actuellement, on est toujours à la mairie de Gerville. Donc il y a plein de musiciens donc, qui sont tous bénévoles. Disons que l'avantage du Swing Orchestra, c'est que bon, y a une partie de musiciens qui sont professionnels et les trois quarts qui sont amateurs, quoi. On est tous bénévoles. Donc il y a une très bonne ambiance à ce niveau-là. Parce que bon, grâce aux professionnels, donc ça booste les amateurs. Enfin, disons qu'il y a une dynamique, quoi, une super dynamique dans une ambiance excellente, quoi. Voilà, vous êtes une vingtaine aujourd'hui au sein du Big Band, c'est ça, à peu près? Exactement, on est 25. Et puis sur scène, bon, en général, on est entre 18 et 23, quoi. Une vingtaine, quoi. Et Vincent Houplon, donc vous êtes pianiste aussi de formation, je crois. Vous êtes enseignant, vous êtes aujourd'hui chef d'orchestre. Comment ça s'est fait? Ça remonte à quelques années maintenant, puisque ça doit faire 14 ans que je suis à la tête du Swing en tant que chef d'orchestre. L'opportunité m'a été proposée, donc je l'ai saisie avec enthousiasme en 2011. Cet orchestre était un petit peu en bout de souffle à l'époque, donc j'ai dû remonter. Il y avait beaucoup de moins de musiciens qu'aujourd'hui. Donc on a remonté un petit peu tout ça, on a revu un petit peu du répertoire, travaillé sur des arrangements personnels aussi, beaucoup. Enfin, pour certains en tout cas. Et puis, on a aussi un petit peu modernisé le répertoire. Le répertoire, comment vous pourriez le définir aujourd'hui? C'est-à-dire que j'essaye de faire en sorte de sortir un petit peu de la programmation habituelle, des big bands en général, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a des belles choses, Duke Ellington, Count Basie, tout ça, c'est très bien. Ça a un petit peu fait son temps, mais ça reste quand même de l'excellente musique. J'essaye un petit peu de proposer des choses qui sortent un petit peu, voilà, de ce style convenu, de ce qu'est le format big band. Alors, on fait forcément des thèmes issus de la tradition du jazz, toujours, mais peut-être plus hard bop. On fait du Charlie Mingus, on fait aussi du Thelonious Monk, on fait des choses comme ça. Et puis aussi, du jazz un peu binaire, parfois aussi dans le répertoire. Alors nous avons aussi en studio Abdelhakim, hein, qui est en stage 3e, qui découvre un peu votre univers et ce concert qui va avoir lieu donc à l'MJC Pichon. Quand on parle de Big Band, Abdelhakim, tu vois à peu près c'est quoi un Big Band? Oui, un peu. Pour moi, c'est un groupe de musique de jazz. Littéralement, Big Band, c'est le gros orchestre. Hein, donc ouais. Voilà. C'est un orchestre de jazz, comme tu disais, et qui est constitué de plusieurs sections, une section rythmique déjà, qui comprend guitare, basse, batterie, piano, et puis des sections mélodiques, avec une section de trompette, qu'on est ici au nombre de 4 ou 5, ça dépend. Section de saxophone, avec saxophone alto, ténor, baryton, voilà, les trois saxophones principaux. Et une section de bois, ou d'instrument de bois, qui comprend flûte, clarinette, et puis on a aussi un chanteur dans notre big band. Et vous serez combien sur scène? On sera à Pichon, je sais pas, on sera une vingtaine, je ne sais pas. Une vingtaine, dans la moyenne. Près, ouais. C'est pas une vingtaine, ouais, c'est pas mal, parce que c'est la première fois que vous allez jouer sur la scène de la MJC Pichon. À Pichon, oui, c'est la première fois. Ouais. J'ai eu un contact, mais oui, c'est la première fois. C'est une grosse formation pour la MJC Pichon, pour la scène? Oui, il va falloir qu'on achète des chausse-pieds pour les faire monter sur le plateau. Que... Mais ça va être d'autant plus passionnant pour les spectateurs, parce que entendre un big band tout près qui va souffler comme ça, c'est un peu comme un 747 qui décolle. Hein, ça a fait monter les poils sur les bras, et en plus, c'est la date qui tue, parce que c'est la Saint-Valentin, deux jours avant. Donc les amoureux, je vous conseille de venir écouter le Big Band du Swing Orchestra, ça va être un grand moment de bonheur et un souvenir inoubliable pour votre ou votre chérie, comme ça on n'a rien dit. Hein. Vous avez régulièrement des concerts, le Swing Orchestra, vous avez d'autres projets? Bah, disons que pour cette année, ouais, on a quelques dates, quoi. On est aussi en lien avec l'association Ginkgo, qui nous propose une date éventuellement au Parc Sainte-Marie au mois de juin ou au mois de septembre. Enfin, il y a la brocante et puis il y a la fête d'automne, quoi. Donc là, ce sera en extérieur. Là, on change complètement. Ce sera en extérieur, ouais. Bon, on est un petit peu habitué à jouer dans des petites salles, des fois, ou à l'extérieur. Bon, c'est un autre environnement, mais on a déjà fait, quoi. Et pour les impromptus de Pichon, vous avez d'autres... Eh bien oui. C'est déjà fait, il y a d'autres dates prévues, oui. On va produire, je pense, parce que vous savez, on accompagne aussi des groupes qui sont en formation, qui font des résidences et qui se projettent sur scène à l'occasion des impromptus de Pichon. C'est un peu le rôle de cette structure d'aider des groupes ou des orchestres, on pourrait dire, à monter sur scène et à se projeter. Et donc là, on est sur un nouveau trio de musique des Pays de l'Est qui s'appelle le trio Pandélé. Et donc on va les produire au mois de mars, j'espère pouvoir faire la première date, mais c'est compliqué parce que vous savez, les artistes des Pays de l'Est, ils sont assez fantasques, et donc on a un peu l'impression d'être directeur de colonies de vacances par moment. Donc on fait tout notre possible avec tous les bénévoles de la saison pour arriver à les mettre au même endroit au même moment pour qu'ils répètent les mêmes morceaux, mais souvent ça part, vous voyez. Donc, mais c'est l'intérêt aussi de ce genre de musiciens qui peuvent... préparer un set de 10 titres et en faire 25 parce que les gens dans le public sont chauds et puis ça peut durer des jours et des jours, voilà. Et c'est ce qui vous plaît, vous, dans votre investissement bénévole avec les impromptus ? Alors, ce qui nous plaît beaucoup dans les impromptus, c'est déjà la synergie avec une structure stable, c'est-à-dire que les impromptus de Pichon, c'est les impromptus de Pichon. Donc, c'est quand même une structure qui existe avec un plateau, une scène, des lumières, des projecteurs et de la sono et un régisseur. Donc, vous voyez, ça aide bien déjà. Et puis, surtout, c'est qu'ils ont une très grande ouverture d'esprit et ils nous ont jamais influencé ni refusé quoi que ce soit. Alors, on est toujours resté jusqu'à présent, mais je le dis à vous, dans des choses très très polissées, mais ils sont tout à fait ouverts à de la création et à de l'inventivité, de la nouveauté. Et donc là, on a un trio qui s'appelle donc le trio Pandélé. Ensuite, on a un combo de rock'n'roll. Alors, ils se baptisent de rock abrasif. Vous voyez, c'est le genre de truc qui vous fait un peu... c'est quand vous vous rasez le matin, ça fait un peu comme ça sur scène. Mais là, ça s'appelle les Robin Stones. Ça ne veut pas s'arranger à un pauvre petit groupe connu anglais, là. Et donc, ils font alors un truc incroyable, c'est des reprises du répertoire des années 80 nancéens. Vous savez qu'il y a une ébullition dans les années 80 à Nancy. Oui. Et donc là, ils sont allés rechercher des gens qui avaient fait des productions. Ils ont obtenu des accords pour pouvoir reprendre les titres, parce que c'est, faut les retrouver déjà, s'ils se rappellent encore comment ils s'appellent. Et puis donc, ils ont réussi comme ça à monter un répertoire. Et c'est assez haut en couleur quand même d'entendre des titres qu'on a entendus quand on est en blue jeans serré et qu'on n'avait pas trop d'estomac. Vous voyez, c'est très amusant de réécouter ces titres-là de la scène en scène. Voilà. Donc, il faut rester à l'affût de la programmation des impromptus de Pichon. Mais déjà, on a bien noté le 16 février. Oui, 17h. Surtout, venez nombreux. Exact. Vincent Houplon, le Big Band avait sorti un CD en 2016, oui, je crois bien. Hein, oui. Et on va se quitter bien sûr avec un extrait de ce CD, un morceau qu'on aura l'occasion de retrouver sur scène le 16 février peut-être. Peut-être ou pas, ça sera la surprise, il faudra venir voir pour se rendre compte. Voilà. Non, oui, alors le titre du morceau, si c'est bien celui-là, c'est Better Get It In Your Soul, un morceau de Charlie Mingus, qui a aussi donné le nom à notre album sorti donc il y a à peu près... bientôt 10 ans. Et qui illustre bien ce que vous proposez sur scène. Voilà, en partie, ouais. Peut-être un dernier mot, François. Oui, parce que quand même, je vais faire mon commerçant. N'oubliez pas de réserver vos billets sur le site de la MJC Pichon, parce que quand vous le prenez par Internet, il est quand même 2 euros moins cher. Mais bon, ça va, c'est pas la ruine. Donc vous avez les préventes à 10 euros et les ventes sur place à 12 euros. Et on rappelle que la MJC Pichon, c'est au 7 boulevard du Recteur Seine à Nancy. Merci, on se quitte donc en musique. Thank you.